que c'est que le radar, bande d'andouilles? Il y avait les types qui sortaient d'électronique. Ils se marraient doucement, hein. Il y avait quelques sourires aux commissures des lèvres. Le dig. Le radar, c'est comme qui dirait, bande d'andouilles. C'est comme qui dirait un rayon lumineux qui partirait d'un phare de voiture qui irait s'écraser contre une glace réverbératrice qui réverbérerait le rayon lumineux. J'oublie un mot dans la définition. Le radar, c'est comme qui dirait un rayon lumineux qui partirait d'un phare de voiture qui irait s'écraser contre une glace réverbératrice qui réverbérerait, c'est-à-dire que nous allons obtenir la parabole AZ. Mais s'il y a un point C ou un point D, ben, j'oublie un mot. C'est comme qui dirait un rayon lumineux qui partirait d'un phare de voiture allumé. Dans la cour, il y avait un soldat qui dormait pas. Écoutez, caporal-chef, je voudrais pas vous vexer, mais je crois que vous avez fait un pléonasme. Qu'est-ce que j'ai fait? Un pléonasme. Où ça? Eh ben, tout à l'heure en passant. Vous avez dit un rayon lumineux. Oh, écoutez bien, en électronique, on ne dit jamais lumineux, on dit simplement un rayon. Évitez de continuer à dire cette ineptie, parce que si vous continuiez, il pourrait y avoir des imbéciles qui seraient susceptibles de se moquer de vous. Est-ce qu'un menuisier va dire du bois d'arbre? Non, ou un pneu en caoutchouc? Non, un pneu, ça suffit. Quand vous dites un rayon, n'ajoutez jamais lumineux. Car il ne peut pas y avoir d'autres rayons que des rayons lumineux. Et les rayons de vélo? Pléonasme, sortez des reins. Puisque c'est ça, je vous instruis plus. C'est ça, vous rigolez? C'est ça, on voit ça dans les journaux. Armée nouvelle, instruction nouvelle, on vient ici pour rigoler. Vous coupez l'envie de rigoler, moi. Comme hier. Schnell, venez ici. Je vous coupez l'envie de vous marrer. Venez ici, vous avez fait la préparation militaire. Venez ici, moi. Lève ton bras. Toi aussi. Maniez-vous le bol là-bas au fond. Je vous en fous, moi, du péonasme. Il y a un béret qui n'est pas droit là-bas au fond. Pas le savoir. Maniez-vous le bol, je vous dis. Mettez-moi un. Pléonasme. Il y a deux oreilles qui dépassent là-bas. Comment? C'est ce qui tient votre béret? Pas très intelligent comme réponse. À mon commandement, en avant, arche. Oh, aïe, oh, aïe, oh, aïe, oh, aïe. Il s'est blessé. Comment? On s'en dit, il s'est blessé. Quand tu dis qu'il s'est blessé, si. Chaque fois qu'il est sur la jambe gauche, il fait aïe. C'est une deux, une deux. Foulant rigueux, ce que t'en as. En face de nous, il y avait un mur. Je voulais pas le dire ce soir parce que je vais critiquer l'armée française. Tant pis, si je crains un scandale, je le dis quand même. Je vais critiquer l'armée française, car on était 500 dans cette tour caserne. 500! on ne nous a pas présentés. Si bien que lors de la visite, vous savez comment ça se passe, messieurs. N'écoutez pas, mesdames, vous pourrez pas comprendre. Je m'adresse aux messieurs, vous savez comment ça se passe, messieurs. Hein, on arrive à 9h à la caserne, bien fringué, tout. Hop, une demi-heure après, on est là. Les mains dans rien. Le matin, on est parti bien fringant. La maman vous a dit, alors, sois sérieux, te fais pas remarquer, t'en fais pas, maman. Et puis 2 heures après, hop, on est là, comme ça. Je sais pas si vous voyez le tableau, ça sent type, là. On est là, les uns derrière les autres, à la gueule. À la file indienne. Et on a beau avoir reçu une certaine éducation, ben, y a des moments, à force de regarder en haut, on... Je me souviens... C'est très curieux, le comportement de chaque être humain devant ces situations-là. Chaque... Il y en a qui étaient gênés. Par contre, il y en avait qui étaient décontractés. Comme s'ils avaient fait ça toute leur vie. De temps en temps, on entendait une petite voix qui faisait... Poussez pas. Bref, à force de regarder en haut, ben, même si on est un garçon bien, qui a eu, même si on a eu une certaine éducation, à force de regarder en haut, disait, je m'en ai là. Oh. Tiens, j'ai déjà vu cette tête-là quelque part. Je peux pas y mettre un nom. Oh, aïe. En face de nous, il y avait un mur. J'ai dit, mon pote, les 500 que nous sommes là, on va s'écraser contre ce mur comme un rayon lumineux. À droite, droite. Ah ben, c'était temps. Lorsqu'on est dans une courte caserne et qu'on vous dit en avant, demi-tour, à droite, à gauche, 2 heures. Et vous savez ce que c'est que nous, les êtres humains? Lorsque nous sommes serrés, il se produit le phénomène suivant que l'on appelle hystérie collective. Vous prenez 10 sages, vous les serrez, vous obtenez un fou. Et nous, on était 500. Nous autres, les 500 dans cette courte caserne, on sentait qu'il allait se passer quelque chose. Nous avons à ce moment-là un 6e sens qui nous dit, tiens, moi je sens que ça va gueuler. À gauche, à droite, aïe! Ça va gueuler. Ça va gueuler. C'est moi qui ai éclaté, dites-moi. Je fais... Non, mais ça va pas, non? Une forte tête, hein? Bravo, j'aime ça. Qui c'est qui a gueulé? Je gueule pas, mais un peu de calme. Pondérez-vous. Écoutez, ça va faire 2 heures que nous sommes dans cette coquette. Vous nous dites en avant. Et après, vous nous dites en arrière. À droite, à gauche. Écoutez, non, m'excuse. Caporal-chef, vous ne pourriez pas arrêter de faire ça avec votre tête? Ça m'énerve. Caporal-chef, dites-nous carrément où vous voulez qu'on aille et je vous jure que nous irons. N'est-ce pas, ami? N'est-ce pas, ami? C'est des mots à dire, ça, dans une caserne? N'est-ce pas, ami? Foutez-vous à plat ventre tout de suite pour montrer un exemple de discipline. Je voulais que j'aille me mettre à plat ventre devant tout le monde. Il a plu, il y a des flaques d'eau, je vais pas abîmer le beau costard que vous m'avez refilé ce matin. Foutez-vous à plat ventre. Écoutez, moi, ça c'est vu comme ça. Nous ne sommes pas du même milieu. Alors moi je vous réponds, foutez-nous la paix. Puisque vous insistez tant, je vais aller me plaindre au directeur de la caserne. J'ai eu un mal fou à le rencontrer d'ailleurs. C'était un nommé. Comment on les appelle les directeurs de caserne? Un nommé. Un nom comme ça. Monsieur le directeur, lui ai-je dit. Bonjour. Je suis navré de vous déranger, mais écoutez, il y a un énergumène qui est dans la cour de la caserne. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'il nous fait faire. La fantaisie lui prend, il nous dit en avant. Nous, bonne pomme, on va en avant. Pourquoi qu'on aurait été en arrière? Il nous dit en avant, on va en avant. Demi-tour, on dit tiens, il a dû oublier quelque chose. À gauche, tiens, il veut nous faire visiter les anciennes écuries. À gauche, il ne sait pas du tout où il veut nous faire aller. Il nous a fait rater 3 fois la sortie. Venez vite l'arrêter avant qu'il tue quelqu'un. Et 8 jours de prison. Je suis pas méchant, mais je crois qu'il les mérite. Pas lui, vous. Plaît-il? 2 semaines de prison pour vous. Pour moi? Oui, 3 semaines. 3 semaines de quoi? 3 semaines de prison pour vous. Mais je viens vous trouver gentiment. 4 semaines. 4 semaines de quoi? 5 semaines de prison pour vous. 6 semaines. Vous plaisantez? 7 semaines de prison pour vous. C'est de l'aberration. 8 semaines. 9 semaines. 10 semaines. 11 semaines. Que je n'ai jamais fait d'ailleurs, car j'étais réformé pour déficience mentale.